motema mikolo nyonso yo mechima o mama e mama rose chérie angelo mais ma confiance we one miche la confiance mais non ça la we me baptise fleur rose ça la we me baptise fleur rose mucho amor tu la wande che la motema Moi que tu es dit ton garçon, sans tu sois le mariage, la vie tu m'envoie. Oli bala e mama e Ibala jamu o sheri e Mungu na wande sheri wa mutema o Le mariage est difficile lo mama mo C'est la meilleure comme la pire des choses sheri e T'as épousé un médecin, pense au malade Cette taximan, il sera dans la rue. T'as épousé un musicien, accepte tes rivales. A chacun sa préférence, chérie, nyamou les mao. Oli bala e mama e. Ibala jambou o chérie. When I'm a diplomat, I'm a diplomat. I'm a diplomat. I'm a diplomat. I'm a diplomat. I'm a diplomat. Thank you. Bye. motema, papa. Tomo ku motema, mama. Matia ku mamisa, oh mama, mama. Nukulu limuzeli eba naba. Mabo etangu enweti eba naba. Mabo emadanu ekebi eba naba. Mabo edelu eji eba naba. Mabo emanu enyu eba naba. Nukulu seba swala muzeli uli eba naba. Ah, Oh, my way. wela mukwe ya budine nje oh mawela e mawela matema tuzije oh mawela kaye ya budine nje tere meni wela mwana ko ningabura famiye kabova jambu mukakune niko uyene jeta oh mawela e mawela matema tuzije oh mawela mukwe ya budine nje oh mawela e mawela matema tuzije oh mawela kaye passer.